Je m'arrête avant le passage pour piétons. En 1, réponse A. En 2, réponse B. Je m'arrête à la ligne de stop. En 1, réponse C. En 2, réponse D.